présentateur. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Bonjour, je suis Delphine de Vigan. Je vais vous raconter l'histoire de Nadine et Robert, le dernier voyage d'un poisson rouge. Le jour où j'ai entendu papa dire « Oh merde !» dans le salon, j'ai su que nous avions un gros souci. D'abord parce que mon père ne dit jamais de gros mots, ensuite parce qu'il était penché juste au-dessus de l'aquarium de Robert et Nadine. Maman s'est approchée de lui, ils ont échangé un regard très embêté, le genre de regard que je n'aime pas du tout. Alors je me suis mis à pleurer. Mon père m'a tendu la main. « Viens voir, Titou. Nadine n'a pas l'air très en forme. » En effet, Nadine flottait sur le dos, tout à fait immobile, la bouche ouverte. Elle était plus pâle qu'à son habitude, je dirais même qu'elle avait très mauvaise mine. J'ai regardé Robert, il tournait en rond. Ça se voyait qu'il avait du chagrin et qu'il comptait sur nous pour trouver une solution. Il n'avait même pas mangé ses petites miettes du matin. J'ai pris un crayon pour tenter de ranimer Nadine. Je l'ai poussé un peu, puis un peu plus fort, mais Nadine semblait dormir d'un sommeil très profond. L'année dernière, j'étais rentrée de la fête foraine avec Robert et Nadine qui frétillaient dans un petit sac en plastique. C'est moi qui les avais gagnés à la pêche miraculeuse et qui avais choisi leur nom. Robert à cause de Bob l'éponge, mais je trouve Robert un peu plus chic, et Nadine parce que je trouve ça très joli. Papa m'avait bien prévenu que les poissons rouges sont très fragiles et que parfois, ils peuvent mourir d'un coup comme ça sans raison. J'ai pleuré un peu plus fort quand j'ai entendu qu'il était question de jeter Nadine à la poubelle. Alors maman a proposé qu'on l'enterre quelque part. J'ai demandé si on pouvait mettre Nadine avec mamie au cimetière, mais papa a dit que c'était trop loin. Il a eu une bonne idée. Enfin, elle paraissait très bonne à cet instant-là. Et si on allait au square pour enterrer Nadine dans le coin tout au fond, là où il y a les arbres? Nous étions tous d'accord. Papa a attrapé Nadine et l'a enveloppée dans un papier d'aluminium. J'ai dit à Robert, « Ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout. » Il m'a fait un clin d'œil, j'ai vu qu'il avait meilleure morale. Nous sommes partis tous les deux, papa et moi, en direction du square. Comme il était encore tôt, il n'y avait pas beaucoup de monde. Sous un petit arbuste, nous avons repéré un endroit qui nous a semblé très confortable et légèrement ombragé. Les enfants n'ont pas le droit d'y aller. Mon père s'est mis à genoux et il a commencé à creuser la terre avec la pelle bleue qu'on emporte pour faire des châteaux de sable sur la plage. C'est à ce moment-là que le gardien du square est arrivé. Ce n'est pas un policier, mais presque. Il a un uniforme gris et des grosses chaussures. « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? » a-t-il demandé à mon père. Mon père m'a paru un peu embarrassé. J'enterre le poisson rouge de mon fils. C'est Nadine, ai-je jugé utile de préciser. Le gardien du square avait l'air de très mauvaise humeur. Mais enfin, monsieur, arrêtez ça tout de suite. Vos détritus n'ont rien à faire ici. Ce n'est pas un détritus, monsieur. Il s'agit de Nadine, comme vous l'a dit mon fils, un petit poisson rouge qui est mort ce matin. J'ai bien senti que mon père était très énervé. Il continuait de creuser la terre avec sa pelle. « Si vous continuez, j'appelle la police !» a soudain hurlé le gardien. J'ai pensé au mot « envenimé » que nous avions eu dans la dernière dictée de Madame Merle. Elle avait dû nous l'épeler parce que c'est un mot difficile. Je me suis dit qu'il devait correspondre tout à fait à ce genre de situation. Mon père s'était relevé et faisait face au gardien. Heureusement, c'est moi qui tenais le petit sac avec Nadine dedans. Papa a tenté une dernière fois d'exposer les faits. Je voyais bien qu'il insistait sur les mots les plus importants. « Écoutez, monsieur, je suis avec mon fils qui a 8 ans et qui vient de perdre son poisson rouge. Pour éviter de le jeter à la poubelle, nous avons pensé lui offrir une dernière demeure où il pourra reposer en paix. « Vous n'avez qu'à le faire frire, votre truc, et le manger !» a répondu le gardien. Mon père a planté une nouvelle fois la pelle dans la terre. Le gardien a sorti son téléphone portable de sa poche. Il a composé un numéro. J'ai eu une vision de Nadine transformée en poisson pané et de mon père menotté dans le camion de police. Je me suis remis à pleurer. Papa m'a attrapé par la main et nous avons quitté le square. Quel con, m'a dit papa. Deux gros mots dans la même journée. C'était vraiment une drôle de journée. Mais mon père a toujours de bonnes idées. J'ai bien vu qu'il en avait une derrière la tête parce que nous sommes partis d'un pas décidé vers le marché. Là-bas, nous avons acheté des framboises que nous avons mangées aussitôt. Elles étaient délicieuses. Nous avons gardé la barquette en carton et puis nous avons choisi un bouquet de jonquilles chez la fleuriste. « Nous avons le matériel », a déclaré mon père sur un ton mystérieux. Nous avons pris le métro jusqu'à la station Saint-Michel. Une fois dehors, nous sommes restés quelques minutes sur le pont pour profiter de la vue. C'était magnifique. On voyait la Seine, qui est un très grand fleuve, et puis la cathédrale Notre-Dame de Paris que j'ai visitée quand j'étais en CP. Par les escaliers, nous sommes descendus sur les quais. Il faisait très beau. Papa a déposé Nadine dans la barquette des framboises sur un lit de fleurs jaunes. Et puis, il s'est allongé à plat ventre par terre pour placer l'embarcation sur l'eau. Il y avait beaucoup de courant, alors Nadine n'a pas tardé à s'éloigner vers le pont neuf. Nous avons eu un peu peur parce qu'un énorme bateau mouche est arrivé juste à ce moment-là, mais un coup de vent a poussé Nadine vers la rive, le temps de laisser passer le bateau. Nous l'avons regardé partir, bien au chaud dans sa barquette. Sous le soleil, le papier d'aluminium brillait comme un bijou. Papa m'a expliqué que la Seine va très loin. Elle passe par Conflans-Sainte-Honorine, Mantes-la-Jolie, là où habitait mamie, Giverny, où vivait un grand peintre qui s'appelle Claude Monet, Rouen et Le Havre, où le fleuve se jette dans la Manche. « Avec un peu de chance, m'a dit papa, Nadine ira jusqu'à la mer. » Quand Nadine a disparu, nous sommes rentrés à la maison. Je me suis précipitée dans le salon pour expliquer à Robert que Nadine était partie en voyage et qu'elle nous enverrait peut-être une carte postale. Je n'y croyais pas vraiment moi-même. Je voulais surtout rassurer Robert pour qu'il ne fasse pas une dépression de poisson ou quelque chose comme ça. Mais le fait est que quelques jours plus tard, Robert a reçu une carte postale. Cher Robert, je suis bien arrivée à Guernesey, une île anglo-normande à une trentaine de kilomètres de la côte. La mer est très froide, mais il y a de minuscules algues qui me chatouillent le ventre. Je me laisse porter par le courant. C'est très agréable. Je suis très heureuse de t'avoir connue et d'avoir passé ces moments merveilleux avec toi. Profite bien de la vie, même si tu as parfois l'impression de tourner un peu en rond. Si Titou s'inquiète pour toi, fais une petite galipette pour le rassurer. Bise. Signé Nadine. PS, je suis d'accord pour que tu rencontres une nouvelle amie. Cela ne me rendra pas triste, ne t'inquiète pas. Demande à Titou de la choisir. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, il m'a dit.